Section 1 de Un crime étrange. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Christiane Johan. Un crime étrange par Arthur Conan Doyle. Première partie, chapitre 1. Première partie, rédigée d'après les souvenirs personnels de John Watson, ex-médecin-major dans l'armée anglaise. Chapitre 1. Sherlock Holmes. Ce fut en 1878 que je subis devant l'Université de Londres ma thèse de docteur en médecine. Après avoir complété mes études à Netley, pour me conformer aux prescriptions imposées aux médecins qui veulent faire leur carrière dans l'armée, je fus définitivement attaché en qualité d'aide-major au 5e fusilier de Northumberland. Ce corps était alors aux Indes, et avant que j'aie pu le rejoindre, la seconde campagne contre l'Afghanistan était entamée. En débarquant à Bombay, j'appris que mon régiment avait déjà traversé les défilés de la frontière et se trouvait au cœur même du pays ennemi. Je me joignis à plusieurs officiers dont la situation était analogue à la mienne et nous parvînmes à atteindre sans encombre la ville de Kandahar. J'y retrouvai mon régiment et le jour même j'entrai dans mes nouvelles fonctions. Des distinctions, des grades, tel fut pour un grand nombre le bilan de la campagne qui s'ouvrait alors. Pour moi, je n'en recueillis que déboires et malheurs. Une permutation d'office m'ayant fait passer au Berkshire, ce fut avec ce corps que je pris part à la fatale bataille de Maywand. J'y fus blessé à l'épaule par un de ces petits boulets que lancent les tromblons Jezaïl. L'os de la clavicule était brisé, l'artère voisine froissée, et j'allais tomber entre les mains des féroces gazis quand le dévouement et le courage de mon ordonnance Murray me sauvèrent la vie. Il réussit à me jeter en travers d'un cheval de bas et me ramena ainsi sain et sauf dans les lignes anglaises. Brisé par la souffrance, affaibli par les fatigues et les privations de toutes sortes, je fis partie d'un long convoi de blessés et fus dirigé sur l'hôpital central de Peshawar. Là, mes forces commencèrent bientôt à renaître, et j'allais déjà assez bien pour me promener à travers les salles et même pour m'étendre au soleil sous une véranda lorsque je fus terrassé par la fièvre typhoïde, ce terrible fléau de nos possessions indiennes. Après avoir passé plusieurs mois entre la vie et la mort, j'entrai enfin en convalescence. Mais j'étais si amaigri et si faible qu'à la suite d'une consultation, les médecins décidèrent de me renvoyer en Angleterre sans perdre un instant. En conséquence, je pris passage à bord du transport Laurentes, et un mois plus tard, je débarquai à Portsmouth avec, il est vrai, une santé à tout jamais ruinée, mais muni en revanche d'un congé octroyé par notre bon et paternel gouvernement pour me permettre de travailler pendant 9 mois consécutifs à récupérer mes forces disparues. Sans feu, ni lieu, libre comme l'air, ou plutôt aussi libre qu'on peut l'être lorsqu'on possède pour toute fortune 14 francs 35 de rente par jour, je n'eus naturellement qu'une idée, celle de gagner Londres, ce vaste réceptacle vers lequel converge, irrésistiblement entraîné par tous les déversoirs de l'Empire britannique, la foule des gens qui n'ont dans la vie ni emploi fixe ni but déterminé. Je plantai d'abord mes pénates dans un petit hôtel du Strand, et pendant quelque temps j'y menais une vie aussi désœuvrée que monotone, tout en entamant notablement mes pauvres économies. Bientôt même l'état de mes finances devint si inquiétant qu'il me parut indispensable de choisir entre les deux partis suivants. Ou quitter la capitale et chercher à la campagne quelques trous pour y végéter tristement, ou changer totalement mon genre d'existence. Ce fut à cette dernière alternative que je m'arrêtai. Pour commencer, je résolus de quitter l'hôtel et de m'établir dans un domicile moins brillant comme apparence, mais plus économique. Le jour même où j'avais pris cette décision, je me trouvai au Criterion Bar lorsque je sentis quelqu'un me frapper sur l'épaule et en me retournant, je reconnus le jeune Stamford, que j'avais eu comme assistant à l'hôpital de Barts. La vue d'une figure de connaissance, pour tout homme qui se sent profondément isolé au milieu de l'infernal brouhaha de Londres, est certainement la chose du monde la plus réconfortante. Jamais, cependant, Stamford n'avait été pour moi ce qu'on appelle un véritable copain. Mais à ce moment, je fraternisais avec lui de la façon la plus enthousiaste, et lui-même, de son côté, sembla ravi de la rencontre. Dans l'exubérance de ma joie, je l'invitai à déjeuner chez Holborn, et un instant après, nous montions en fiacre pour nous y rendre. Pendant que la voiture roulait dans les rues tumultueuses de Londres, « Quel diable de vie avez-vous bien pu mener, Watson ?» me demanda mon compagnon en me dévisageant avec un étonnement non déguisé. « Vous êtes maigre comme un coucou et noir comme une taupe. » En quelques mots, je le mis au courant de mes aventures, et j'en avais à peine terminé le récit quand nous arrivâmes à la porte du restaurant. « Pauvre garçon, » me dit Stamford sur un ton de commisération. « Et maintenant, où en êtes-vous ? » « Pour le moment, je suis à la recherche d'un logement, et par là même d'un problème, le problème consistant à dénicher pour un prix raisonnable un appartement suffisamment confortable. « Étrange, » murmura-t-il, « vous êtes la seconde personne aujourd'hui qui me tienne identiquement le même langage. » « Et quelle est la première ? » « Un garçon qui vient à l'hôpital travailler dans le laboratoire de chimie. Il se plaignait ce matin devant moi de ne pouvoir trouver un ami pour partager avec lui un charmant appartement qu'il avait été visiter, mais dont le loyer dépassait ses moyens. « Bon Dieu ! » m'écriai-je, « s'il désire vraiment trouver quelqu'un qui partage avec lui et l'appartement et le loyer, je suis son homme. Je préfère de beaucoup loger avec un camarade que vivre tout seul. » Le jeune Stamford me regarda par-dessus son verre d'une façon singulière. « Vous ne connaissez pas encore Sherlock Holmes, » me dit-il. « Peut-être ne tiendrez-vous pas à l'avoir toujours pour compagnon. »« Pourquoi ? A-t-on quelque chose à lui reprocher ?»« Oh, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Seulement il est quelque peu original. Un véritable fanatique par rapport à certains genres de sciences. Cependant, parce que j'en connais, il paraît être un très brave garçon. »« Un étudiant en médecine, sans doute. »« Non, et même je n'ai aucune idée de ce qu'il a l'intention de faire. Il est, dit-on, très fort en anatomie, et tout à fait de premier ordre en chimie. Mais jamais que je sache, il n'a suivi régulièrement les cours de médecine. Il étudie d'une façon très décousue, excentrique même. Et sans s'astreindre aux connaissances que tout le monde cherche à acquérir, il en a amassé une foule d'autres, de quoi certainement étonner tous ses professeurs. Ne lui avez-vous jamais demandé à quelle carrière il se destinait ? Non, certes, car ce n'est pas un homme qu'on puisse faire causer facilement. Quoiqu'à l'occasion, et si la fantaisie lui en prend, il sache être assez communicatif. Je serais bien aise de le rencontrer, dis-je. Si je dois habiter avec quelqu'un, je préférerais que ce fût avec un homme studieux et d'habitude tranquille. Je ne suis pas encore assez fort, voyez-vous, pour supporter beaucoup de bruit ou d'agitation. Et d'ailleurs, j'ai eu assez de tout cela en Afghanistan pour en être rassasié jusqu'à la fin de mes jours. Comment faire pour rencontrer votre ami ? Il est bien probablement au laboratoire, répliqua Stamford. Ou bien il n'y met pas les pieds pendant des semaines entières, ou bien il y travaille du matin jusqu'au soir. Si vous voulez, nous prendrons une voiture après déjeuner et nous irons jusque-là. Parfaitement, répondis-je, et là-dessus, nous nous mîmes à parler d'autre chose. En nous rendant à l'hôpital, Stamford me donna encore quelques détails sur mon futur compagnon. Il ne faut pas m'en vouloir, commença-t-il, si vous ne vous entendez pas avec l'individu en question. Je ne le connais guère que pour l'avoir rencontré de temps à autre au laboratoire. C'est vous qui avez eu l'idée de cet arrangement, ne m'en rendez donc pas responsable. Si nous ne nous entendons pas, repris-je, il sera facile de nous séparer. Cependant, Stamford, ajoutai-je, en le regardant fixement, il me semble que vous avez des raisons spéciales pour vous laver les mains de tout ce qui pourrait advenir. Y a-t-il vraiment quelque chose à craindre du caractère de cet homme ? Allons, parlez franchement, et ne soyez pas aussi cachotier. » Stamford se mit à rire. « C'est qu'il n'est pas facile d'exprimer ce qui est inexprimable, » dit-il. « Ce Holmes s'est, pour mon goût, un peu trop identifié avec la science elle-même, et je crois que cela doit amener fatalement à l'insensibilité la plus complète. Ainsi, je m'imagine qu'il serait parfaitement capable d'administrer à un ami une petite pincée de la substance toxique la plus récemment découverte, non par méchanceté, vous m'entendez bien, mais simplement, étant donné son esprit chercheur, pour se rendre exactement compte de la façon dont ce poison opère. Cependant, je dois dire pour être juste, et cela avec la conviction la plus entière, qu'il tenterait tout aussi bien l'expérience sur lui-même. Il semble avoir la rage d'approfondir ce qu'il étudie de façon à tout résumer dans des formules d'une exactitude mathématique. Et je trouve qu'il a bien raison. D'accord, mais on peut pousser cette qualité jusqu'à l'exagération. Ainsi, quand on en arrive à prendre un bâton pour en battre les sujets anatomiques déposés sur la table de dissection, cela peut paraître au moins étrange. Que me racontez-vous là ? La pure vérité, il a fait cela un jour. C'était, paraît-il, pour se rendre compte des effets ainsi produits sur les cadavres, et cela je l'ai vu, de mes yeux vus. Cependant, vous dites que ce n'est pas un étudiant en médecine. Non, Dieu seul sait quel est le but de ses études. Mais nous voici arrivés, et vous allez pouvoir vous former vous-même une opinion à son sujet. Tout en parlant, nous tournions dans une petite ruelle, et nous franchissions une porte bâtarde percée dans une aile du grand hôpital. C'était pour moi un terrain familier, et je n'avais pas besoin de guide pour gravir les degrés de pierre du vaste escalier à l'aspect si glacial, et pour trouver mon chemin dans ces longs corridors aux murs blanchis à la chaux, où s'ouvraient çà et là des portes peintes en brun foncé. Vers l'extrémité du bâtiment s'embranchait un passage bas et voûté qui conduisait au laboratoire de chimie. On se figure une énorme pièce, fort élevée, tapissée du haut en bas d'innombrables flacons. Partout de larges tables, très basses, semées comme au hasard, et sur ces tables, au milieu des cornues et des éprouvettes, de petites lampes Bunsen à la flamme bleuâtre, jetant des lueurs vacillantes. Dans cette salle, et tout au fond, un seul étudiant, penché sur une table, complètement absorbé par son travail. Au bruit de nos pas, il leva vivement la tête, bondit vers nous en poussant un cri de triomphe et en agitant sous le nez de mon compagnon l'éprouvette qu'il tenait à la main. « Le voilà ! Le voilà ! » s'écria-t-il. « Il est trouvé le réactif qui arrive à précipiter l'hémoglobine. Le seul ! L'unique !» Vraiment, il aurait découvert une mine d'or qu'il n'aurait pas pu manifester une joie plus exubérante. « Docteur Watson, Monsieur Sherlock Holmes !» prononça Stamford en nous présentant l'un à l'autre. « Comment vous portez-vous ? » me dit aussitôt Holmes, avec rondeur et en me donnant une poignée de main dont l'énergie me révéla une force musculaire que je n'aurais pu soupçonner à première vue. « Ah ah, je vois que vous revenez d'Afghanistan. « Comment diable pouvez-vous le savoir ? » demandai-je abasourdi. « Peu importe, » répliqua-t-il en se souriant à lui-même. « L'hémoglobine et son réactif, voilà pour le moment la grande affaire. Je ne doute pas que vous ne saisissiez toute l'importance de ma découverte. »« Évidemment, » répondis-je, « elle présente un certain intérêt au point de vue chimique, mais au point de vue pratique. »« Comment, monsieur ? Mais sous le rapport médico-légal, c'est précisément la découverte la plus pratique qui ait été faite depuis des années. Ne voyez-vous pas que cela nous donne une méthode infaillible pour reconnaître les tâches faites par le sang humain ? « Venez par ici !» Et dans son empressement, il me saisit par la manche et m'entraîna vers la table où il venait de travailler. « D'abord, procurons-nous du sang frais, » dit-il. Et se donnant un léger coup de bistouri au milieu du doigt, il recueillit dans un petit tube une goutte de son sang. « Maintenant, je verse cette simple goutte dans un litre d'eau. Vous voyez que l'eau conserve absolument l'apparence qu'elle avait auparavant. » La proportion de sang ne doit guère excéder un millionième, et cependant je ne doute pas que nous n'obtenions la réaction caractéristique. Tout en parlant, il jeta d'abord dans le récipient quelques cristaux blancs, puis y versa quelques gouttes d'un liquide transparent. En un instant, le tout prit une teinte à cajou foncé, et un précipité de couleur brunâtre se forma au fond du bocal. « Ah ah ! » s'écria-t-il en battant des mains avec l'air transporté d'un enfant auquel on présente un joujou nouveau. « Qu'est-ce que vous en pensez ?»« Il me semble que voilà un réactif d'une rare sensibilité, » remarquai-je. « Merveilleux, c'est merveilleux ! Autrefois, avec le gaillac, on n'obtenait que difficilement quelques résultats, et encore bien incertains. Il en était de même lorsqu'on soumettait les globules de sang à l'analyse microscopique. Celle-ci perdait toute valeur pour peu que le sang fût vieux de quelques heures. Mon réactif, au contraire, se comporte aussi bien avec du sang vieux qu'avec du sang frais. Ah, s'il avait été connu plus tôt, des centaines d'hommes qui se promènent tranquillement sur la surface du globe auraient depuis longtemps subi le châtiment dû à leur crime. « Vraiment ? » murmurai-je. « Mais oui, nous touchons là au point capital d'un grand nombre de causes judiciaires. Un homme n'est souvent soupçonné d'un crime que plusieurs mois après l'avoir commis. On examine son linge ou ses vêtements, on y découvre des taches rougeâtres. D'où proviennent-elles ? De sang, de boue, de rouille ou simplement du jus d'un fruit. Voilà où plus d'un expert a perdu son latin. Et pourquoi ? Parce qu'on ne possédait pas de réactif infaillible. Mais maintenant, nous avons le réactif de Sherlock Holmes, et l'incertitude ne sera plus possible. » Pendant qu'il parlait, ses yeux étincelaient. Lorsqu'il eut fini, mettant la main sur son cœur, il s'inclina profondément, comme pour remercier une foule imaginaire de ses applaudissements. « Recevez tous mes compliments, lui dis-je, confondu de cet enthousiasme extraordinaire. N'avons-nous pas eu l'année dernière encore le cas de von Richthofen de Francfort. Il aurait certainement été pendu si mon réactif avait existé. Et Mason de Bradford, et le célèbre Muller, et Lefebvre de Montpellier, et Samson de la Nouvelle-Orléans. Je pourrais citer plus de 20 cas analogues. « Mais vous êtes un répertoire vivant de tous les crimes !» s'écria Stamford en riant. « Publiez donc là-dessus un mémoire et intitulez-le « Nouvelles annales judiciaires du temps passé ». « Cela pourrait être bien intéressant, » murmura Sherlock Holmes, tout en collant un petit morceau de taffetas à l'endroit où il s'était piqué le doigt. Puis, me montrant sa main, avec un sourire, « Je suis obligé d'être prudent, » dit-il. « Je manipule tant de poisons. » Je vis alors que cette main était déjà couturée d'autres morceaux de taffetas et toute brûlée par de violents acides. « Mais ce n'est pas tout cela. » interrompit Stamford en s'asseyant sur un escabeau et en m'en poussant un autre avec son pied. « Nous sommes venus ici pour parler d'affaires sérieuses. Mon ami que voici cherche une installation, et comme je vous ai entendu vous plaindre de ne pas trouver de camarades pour cohabiter avec vous, j'ai cru bien faire en vous réunissant. » Sherlock Holmes parut ravi à l'idée de partager son logement avec moi. « J'ai un appartement en vue, » me dit-il. Il est situé à Baker Street, et nous irait comme un gant. Mais j'espère que vous ne craignez pas l'odeur d'un tabac très fort. « Je ne fume moi-même que du tabac de matelot, » répondis-je. « Bon, » dit-il, « maintenant je vous préviens que je suis toujours entouré d'ingrédients chimiques, et que je me livre quelquefois à des expériences. Cela vous contrarierait-il ? » « En aucune façon. » « Voyons, laissez-moi chercher quelles sont mes autres vices rédhibitoires. » J'ai de temps en temps des humeurs noires qui durent plusieurs jours et pendant lesquelles je n'ouvre pas la bouche. Il ne faudra pas croire pour cela que je boude. Vous n'aurez qu'à me laisser tranquille et je reviendrai bien vite à mon état normal. Maintenant, à votre tour, qu'avez-vous à confesser ? Voyez-vous, il vaut mieux que deux individus connaissent mutuellement tous leurs défauts avant de se mettre à vivre en commun. Cet interrogatoire contradictoire me fit sourire. « Je possède un petit chien bulle, » dis-je. Puis mes nerfs ont été récemment si ébranlés que je ne puis supporter le bruit et le tapage. Enfin, je me lève aux heures les plus invraisemblables et je suis affreusement paresseux. Je possède, il est vrai, un autre jeu de défauts quand je suis bien portant, mais pour le quart d'heure, voilà quels sont chez moi les principaux. « Par tapage, voulez-vous parler aussi du violon ?» demanda Holmes avec inquiétude. « Cela dépend de l'exécutant. » répondis-je. Entendre bien jouer du violon est un plaisir des dieux, mais si on en racle... « Parfait alors » s'écria-t-il gaiement. « En ce cas, l'affaire me semble conclue, à condition bien entendu que l'appartement vous plaise. Quand le visiterons-nous ? Venez me prendre ici demain à midi, nous irons le voir ensemble. Convenu, dis-je en lui serrant la main, à demain, à midi précis. » Nous le laissâmes, Stamford et moi, en train de continuer ses expériences chimiques, et nous reprîmes ensemble le chemin de mon hôtel. À propos, fis-je tout à coup en m'arrêtant et en me retournant vers mon compagnon, comment diable a-t-il pu savoir que j'avais été en Afghanistan ? Stamford sourit d'un air énigmatique. C'est précisément là une de ses bizarreries. Bien des gens se demandent comment il arrive à découvrir du premier coup les choses les mieux cachées. « Oh, du mystère, alors ! » m'écriai-je en me frottant les mains. « Cela devient palpitant. » Je vous suis vraiment bien reconnaissant de m'avoir fait faire connaissance avec un pareil personnage. La véritable manière d'étudier l'humanité consiste, vous le savez, à étudier successivement les différentes individualités. « Eh bien, étudiez celle-ci, » répliqua Stamford en me disant adieu. « Seulement, je vous avertis que vous vous heurtez à un problème qui n'est pas facile à déchiffrer, et je parierai bien que le bonhomme en apprendra vite plus long sur vous que vous n'en saurez sur lui. Sur ce, bonsoir. »« Au revoir, » répondis-je, et je continuai mon chemin tout en flânant, réellement intrigué par ma nouvelle connaissance. Fin de la section 1.